Section 31. Des essais sur les révolutions, suivis des études historiques, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Deuxième discours, deuxième partie. De Julien à Théodose Ier. Lorsque Julien fut relégué à Athènes par Constance, Saint-Basile et Saint-Grégoire de Nazianze s'y trouvaient. Le dernier nous a laissé un portrait de l'apostat où se reconnaît l'inimitié du peintre. Il était de médiocre taille, le cou épais, les épaules larges, qu'il haussait et remet souvent aussi bien que la tête. Ses pieds n'étaient point fermes, ni sa démarche assurée. Ses yeux étaient vifs, mais égarés et tournoyants. Le regard furieux, le nez dédaigneux et insolent, la bouche grande, la lèvre d'en bas pendante, la barbe hérissée et pointue, il faisait des grimaces ridicules et des signes de tête sans sujet, riait sans mesure et avec de grands éclats, s'arrêtait en parlant et reprenait haleine, faisait des questions impertinentes et des réponses embarrassées l'une dans l'autre, qui n'avaient rien de ferme et de méthodique. Amiens Marcelin, qui voyait Julien en beau, conserve pourtant dans le portrait de ce prince quelques traits de celui de Grégoire de Nazianze. Et Julien lui-même, dans le Misopogon, semble attester la fidélité malveillante du pinceau chrétien. La nature, comme je le présume, n'a pas donné beaucoup d'agrément à mon visage, et moi, morose et bizarre, je lui ai ajouté cette longue barbe pour lui infliger une peine à cause de son air disgracieux. Dans cette barbe, je laisse errer des insectes comme d'autres bêtes dans une forêt. Je ne puis boire ni manger à mon aise, car je craindrais de brouter imprudemment mes poils avec mon pain. Il est heureux que je ne me soucie ni de donner ni de recevoir des baisers. Vous dites qu'on pourrait tresser des cordes avec ma barbe. Je consens de tout mon cœur que vous en arrachiez les brins. Prenez garde seulement que leur rudesse n'écorche vos mains molles et délicates. N'allez pas vous figurer que vos moqueries me désolent. Elles me plaisent, car enfin, si mon menton est comme celui d'un bouc, je pourrais, en le rasant, le rendre semblable à celui d'un beau garçon ou d'une jeune fille, sur qui la nature a répandu sa grâce et sa beauté. Mais vous autres, de vie efféminée et de mœurs puériles, vous voulez, jusque dans la vieillesse, ressembler à vos enfants. Ce n'est pas comme chez moi, aux joues, mais à votre front ridé, que l'homme se fait reconnaître. Cette barbe démesurée ne me suffit pas, ma tête est sale, rarement je la fais tondre, je coupe mes ongles rarement, et j'ai les doigts noircis par ma plume. Voulez-vous connaître mes imperfections secrètes? Ma poitrine est horrible et velue comme celle du lion, roi des animaux. Je n'ai jamais voulu l'appeler, tant mes habitudes sont brutes et abjectes. Je n'ai jamais poli aucune partie de mon corps. Franchement, je vous dirai tout quand j'aurai même un poireau comme Simon. Et c'est le maître du monde qui parle de lui de cette façon. Mais cette humilité brutale est l'orgueil de la puissance. Julien avait des vertus, de l'esprit et une grande imagination. On a rarement écrit et porté une couronne comme lui. Il détestait les jeux, les théâtres, les spectacles. Il était sobre, laborieux, intrépide, éclairé, juste, grand administrateur, ennemi de la calomnie et des délateurs. Il aimait la liberté et l'égalité autant que prince le peut. Il dédaignait le titre de seigneur ou de maître. Il pardonna dans les Gaules à un eunuque chargé de l'assassiner. Un jour, on lui signala un citoyen qui, disait-on, aspirait à l'Empire parce qu'il faisait préparer en secret une chlamyde de pourpre. Julien chargea l'officieux ami du prince légitime de porter à l'usurpateur une paire de brodequins ornés de pourpre afin qu'il ne manquât rien au vêtement impérial. La loi défendait sous peine de mort de fabriquer pour les particuliers une étoffe de pourpre. Un usurpateur était réduit dans le premier moment de son élection à voler la pourpre des enseignes militaires et des statues des dieux. Maris, évêque arien de Chalcédoine, insultait Julien qui sacrifiait dans un temple de la fortune. Julien lui dit « Vieillard, le Galinéen ne te rendra pas la vue ». Maris était aveugle. « Je le remercie, répondit l'évêque, de m'épargner la douleur de voir un apostat comme toi ». L'empereur supporta cet accablant reproche. Delphidius, célèbre avocat de Bordeaux, plaidait devant Julien contre Numérius, accusé de concussion dans le gouvernement de la Gaule narbonnaise. Numérius niait les faits. « Qui ne sera innocent ? S'écria l'avocat, s'il suffit de nier. « Qui sera innocent ? Répartit Julien, s'il suffit d'être accusé. » D'autres avocats louaient Julien. « Je me réjouirais de vos éloges, leur dit-il, si vous aviez le courage de me blâmer. » Un certain Thalassius était dénoncé par le peuple d'Antioche comme exacteur et comme ancien ennemi de Gallus et de Julien. « Je reconnais, dit l'empereur, qu'il m'a offensé. C'est ce qui doit suspendre vos poursuites jusqu'à ce que j'aie tiré raison de mon ennemi. » Il pardonna à l'accusé. Un homme vint se prosterner à ses pieds dans un temple, criant merci pour sa vie. « C'est Théodote, lui dit-on, chef du conseil d'Hiérople, qui jadis demandait votre tête à Constance. « Je savais cela depuis longtemps, répondit l'empereur. Retourne en paix à tes foyers, Théodote. J'ai à cœur de diminuer le nombre de mes ennemis et d'augmenter celui de mes amis. » Une femme plaidait contre un domestique militaire renvoyé du palais. Elle n'avait osé la signer tant qu'il avait été en faveur. Celui-ci se présente à l'audience impériale avec la ceinture de son emploi. La femme se croit perdue, présumant que son adversaire est rentré en grâce. « Femme, dit Julien, soutiens ton accusation. Le défendeur n'a mis sa ceinture que pour marcher plus vite dans la boue. Elle ne peut rien contre ton droit. » La publication du Misopogon tient à la même élévation de nature. À part l'orgueil cynique de cet ouvrage, un homme investi du pouvoir absolu, environné d'une armée de barbares dévoués à ses ordres, un prince qui pouvait d'un seul signe faire exterminer ses insolents détracteurs et qui se contente de tirer raison d'un libelle par un pamphlet, est un exemple unique dans l'histoire des peuples et des rois. César, dans l'antique Caton, n'eut à se venger que de la vertu et il ne l'a pu vaincre, même en joignant les armes à la satire. Les Césars sont encore plus extraordinaires que le Misopogon. Quel souverain a jamais jugé ses prédécesseurs avec autant de rigueur et de supériorité ? Jules César entre le premier au banquet des dieux. Silène avertit Jupiter que ce convive pourrait bien songer à le détrôner. Et Jupiter trouve que la tête de ce mortel ne ressemble pas mal à la sienne. Vient Auguste, dont les couleurs du visage changent comme celles du caméléon. Tibère, à la mine fière et terrible et au dos couvert de lèpre. Caligula, monstre sur le champ précipité dans le Tartare. Claude, pauvre prince, qui n'est rien sans Pallas, Narcisse et Messaline. Néron, une couronne de laurier sur la tête, une lyre à la main et qu'Apollon jette dans le Cocyte. Ensuite, des gens de toutes sortes, les Galba, les Othon, les Vitellius, Vespasien qui accourt pour éteindre le feu mis au temple, Titus qu'on envoie à la Vénus publique, Domitien qu'on enchaîne auprès du taureau de Phalaris, Nerva, à propos duquel Silène s'écrie « Vous autres dieux, vous laissez 15 années un monstre sur le trône et ce vieillard affable et juste n'a pas régné un an entier. » Jupiter apaise Silène en lui annonçant que des princes vertueux vont suivre Nerva. Trajan paraît, aussitôt Silène recommande à Jupiter de veiller sur celui qui verse à boire aux immortels. Que cherche Adrien, son Antinous ? Il n'est point dans l'Olympe. Antonin, modéré, excepté en amour, s'arrêterait à couper en portions égales un grain de cumin. À la vue de Marc Aurèle, Silène déclare qu'il n'a rien à lui reprocher. Survient un débat entre Alexandre et César, jouteur de gloire. César affirme qu'il a effacé les grands hommes ses contemporains et les grands hommes de tous les siècles et de tous les pays. Que prétend Alexandre avec sa conquête de la Perse ? Peut-il opposer quelque chose à la journée de Pharsale ? Quel était le capitaine le plus habile de Pompée ou de Darius ? Où étaient les meilleurs soldats ? Toi, Alexandre, tu as égorgé les citoyens de Thèbes, incendié les villes des malheureux Grecs. Moi, César, j'ai conquis les Gaules, passé le Rhin, franchi l'océan, sauté sur le rivage des Bretons. Tu as vaincu 10 000 Grecs, j'ai défait 150 000 Romains. Alexandre, qui commençait à entrer en fureur, apostrophe Jupiter et lui demande quand enfin ce babillard romain cessera de se donner des éloges. Il a triomphé de Pompée, Pompée, pauvre homme, qui profita des triomphes de Lucullus. On lui donna le nom de grand par flatterie. Mais pouvait-on le comparer à Marius, aux deux Scipions, à Camille ? Tu as battu Pompée, César, Pompée, si amoureux de sa coiffure qu'il n'osait gratter la tête que du bout du doigt. Tu ne soumis les Gaulois et les Germains que pour asservir ta patrie. Fut-il jamais rien de plus impie et de plus détestable? Ne traite pas avec tant de dédain les 10 000 Grecs que je me vis forcé d'accabler. Vous, Romains, qui à peine avez pu vous rendre maître de la Grèce dans sa décadence, vous, qui vous êtes épuisés à soumettre un petit État presque ignoré au beau jour de l'Hellénie, que seriez-vous devenus s'il vous eût fallu combattre les Grecs unis et florissants? Il vous sied bien de parler avec mépris de ma conquête de la Perse, fameux conquérant qui, après 3 siècles de guerre, est parvenu, à la sueur de votre front, à vous emparer de quelques villages au-delà du Tigre. Moins de 10 ans ont suffi à Alexandre pour dompter la Perse et les Indes. La satire continue, de cette manière impitoyable, haute et juste, jusqu'à Constantin, outragement traité par le restaurateur de l'idolâtrie. Il le livre à la déesse de la mollesse, qui l'embrasse, le revêt d'une robe de femme de diverses couleurs, et le conduit par la main à la luxure. Auprès d'elle, Constantin trouve un de ses fils, Crispus, qui criait incessamment « corrupteur de femmes, homicide, sacrilège, scélérat, vous tous qui avez besoin d'expiation, approchez. Avec un peu d'eau, je vous rendrai pur. Si vous retombez dans vos fautes, frappez-vous la poitrine, battez-vous la tête, tout vous sera remis. » Ici, il y a triple calomnie et haine atroce. On ne reconnaît plus le souverain supérieur qui condamne les mauvais princes et le grand homme qui juge ses pairs. Julien était musicien et poète de talent. Nous avons de lui 2 épigrammes élégantes, l'une contre la bière, l'autre où l'orgue est écrit à peu près tel que nous le connaissons. Ces lettres sont instructives, quoique d'un style peu naturel. En voici une où il y a trop de Néréides, de Grâces, de Nymphes, de lieux communs de mythologie, et qui ressemble assez à ces épîtres toutes fleuries de lys et de roses que le grand Frédéric écrivait à des gens de lettres la veille d'une bataille. Mais le sujet en est touchant et les descriptions agréables, elle nous apprend quelque chose d'intime de la vie et de la jeunesse de Julien. L'aïeul maternel de Julien lui avait laissé une petite terre en Bithynie. L'empereur écrit à un ami dont on ignore le nom pour lui en faire présent. Quel est le roi d'une province de l'Empire romain qui ne croirait aujourd'hui déroger à sa puissance, démembrer le domaine de sa couronne et compromettre la dignité de son sang en offrant d'aussi bonne grâce l'héritage de sa grand-mère à un ami? La maison n'est pas à plus de 20 stades de la mer, mais on n'y est point étourdi par le marchand ou par le matelot criard ou querelleur. Cependant, on y jouit des présents des Néréides et l'on peut y avoir le poisson frais et palpitant. Si tu montes sur un tertre peu éloigné de la maison, tu verras la Propontide, ses îles et la ville qui porte le noble nom d'un empereur. Là, tu ne seras point au milieu des algues, des mousses ou des autres plantes désagréables et inconnues que la mer jette sur ses grèves, mais au milieu des saules, parmi le thym et les herbes parfumées. Couché, un livre à la main, après une lecture attentive, tu pourras reposer tes yeux fatigués. La mer et les vaisseaux te seront un charmant spectacle. Dans mon enfance, ce lieu me plaisait parce que j'y trouvais des fontaines qui n'étaient pas à mépriser, des bains assez propres, un potager et des arbres. Lorsque je devins homme, je désirais ardemment de revoir ce lieu. J'y suis maintes fois retourné en compagnie de quelques amis. Je m'y suis même assez occupé d'agriculture pour y laisser comme un monument une petite vigne qui donne un vin suave et parfumé. Tu verras dans mon clos Bacchus et les Grâces, la grappe pendante au cep ou portée au pressoir exhale l'odeur des roses, la liqueur dans le tonneau est déjà du nectar, si nous en croyons Homère. Tu me demanderas peut-être, puisque les vignes viennent si bien dans ce sol, pourquoi je n'en ai pas planté davantage. Mais d'abord, je ne suis pas un cultivateur bien habile, ensuite les nymphes tempèrent pour moi la coupe de Bacchus. Je ne voulais de vin qu'autant qu'il en fallait pour moi et mes convives, dont tu sais que le nombre n'est pas grand. Accepte donc ce présent, ô tête chérie. Il est petit sans doute, mais ce qui va d'un ami à un ami, de la maison à la maison, est très doux, comme le dit le sage poète Pindare. Les discours de Julien ont les défauts de la littérature de son temps, mais celui qui l'adresse aux Athéniens, en partie purgé de ses défauts, montre avec quelle gravité il avait pu écrire l'histoire des guerres des Gaules et de la Germanie. Il est fâcheux que l'apostat, dans 2 panégyriques, et si bien loué Constance, son persécuteur, et qu'il ait été si froid dans l'éloge d'Eusébie, sa bienfaitrice, et peut-être quelque chose de plus. Grand admirateur du passé, Julien a voulu faire remonter le vocabulaire dont il s'est servi aux jours classiques de la Grèce. Assez souvent, il habille à l'antique des idées modernes. On peut se faire une idée de ce contraste par un exemple en sens opposé. L'auteur des « Vies des grands hommes » a écrit en grec dans un idiome complet et vieilli, et il a été traduit en français dans un idiome incomplet et naissant, d'où il est arrivé une chose assez extraordinaire. Le génie de Plutarque était naïf, et sa langue ne l'était plus. Amyo est venu, et il a donné à Plutarque la langue qui manquait à son génie. Mais Amyo échoue dans les morales. Le Gaulois, qui s'était si bien prêté au récit du biographe, n'a pu rendre les idées complexes et les expressions métaphysiques du philosophe. De grandes imperfections balançaient dans Julien ses éminentes qualités. Il gâtait son caractère original en copiant d'autres grands hommes et semblait n'avoir de naturel que sa perpétuelle imitation. Il s'était surtout donné pour modèle Alexandre et Marc Aurèle. Sa mémoire envahissait ses actions. Il avait fait entrer son érudition dans sa vie. Lorsqu'il renvoya aux évêques le traité de Diodore de Tars en faveur du christianisme avec ces trois mots « anegnon, egnon, katechnon »,« j'ai lu, j'ai compris, j'ai condamné ». Il rappelait mal le « veni, vidi, vici » de César. Ses actes de clémence étaient peu méritoires, le dédain y ayant plus de part que la générosité. Léger, railleur, pétulant, questionneur, sans dignité, d'une loquacité intarissable, il eût été cruel s'il se fût laissé aller à son penchant. Dans des emportements involontaires, il s'abaissait jusqu'à frapper de la main et du pied les gens du peuple qui se présentaient à ses audiences. On pourrait soupçonner sa pudicité, bien que Mamertin assure que son lit était plus chaste que celui d'une vestale, il est probable, s'il n'est certain, qu'il eut des enfants naturels. Telle est la puissance d'un mot, le nom d'apostat donné à Julien suffit pour flétrir sa mémoire, même aujourd'hui que nous sommes séparés de ce prince par 14 siècles et que tombent les institutions qu'il proscrivait. L'antipathie de Julien pour le culte des chrétiens se fortifia de la haine que lui inspira le prince qui massacra son père, livra son frère au bourreau et menaça longtemps sa vie. Les anciens autels étant devenus les autels persécutés, Julien s'y attacha comme un caractère généreux s'attache à la patrie, à la faiblesse et au malheur. Il voulut croire à des absurdités que sa raison condamnait. Il employa son génie, comme les philosophes de son temps, à expliquer par des allégories le culte de ses divinités, personnification des objets de la nature ou passion matérialisée. La beauté des cérémonies du paganisme enchantait son imagination poétique, nourrie des songes de la Grèce. À la Renaissance des lettres, au XVIe siècle, quelques écrivains de la France et de l'Italie, ravis des belles fables, devinrent de véritables païens et firent abjuration entre les mains d'Homère et de Virgile. Julien attribuait son salut à sa piété envers les dieux qu'il avait exceptée seule de la juste condamnation prononcée contre la maison impie de Constantin. Son aversion pour le christianisme se put augmenter encore du spectacle qu'offrait la société lorsqu'il parvint à l'Empire. L'hérésie d'Arius avait tout divisé et subdivisé, ce n'était qu'anathèmes lancés et reçus, les catholiques même ne s'entendaient plus. Les évêques se disputaient des sièges et le schisme ajoutait ses désordres à ceux de l'hérésie. Julien avait remarqué que les chrétiens sont plus cruels entre eux que les bêtes ne le sont aux hommes. C'est un auteur païen qui l'affirme. Athanase fait la même remarque sur les Ariens. Ces querelles, dans toutes les villes, dans tous les villages, dans tous les hameaux, affaiblissaient l'empire au dehors, paralysaient le pouvoir au dedans, rendaient l'administration périlleuse et difficile. Les juges et les gouverneurs n'étaient occupés qu'à réprimer les délits et les séditions des chrétiens. Le fameux Georges, évêque arien d'Alexandrie, persécuteur des païens et des catholiques, avait désolé l'Égypte par ses rapines et ses cruautés. Diodore, un de ses adhérents, coupait de sa propre autorité la chevelure des enfants, chevelure que l'idolâtrie maternelle laissait croître en l'honneur de quelques divinités protectrices. Le peuple lassé se souleva, massacra Georges, pilla sa bibliothèque, dont Julien recommanda au préfet d'Égypte de rassembler soigneusement les débris. La folie des Galiléens, dit le même prince dans sa lettre à Artabios, a presque tout perdu. Julien, qui n'aurait pu reconnaître la vérité chrétienne parmi des hommes qui ne s'entendaient pas sur la nature du Christ, put donc croire qu'il supprimerait à la fois tous les maux en étouffant toutes les sectes sous l'ancien culte. Erreur d'un juge préoccupé qui prit les effets pour la cause, qui ne vit que l'extérieur des troubles, qui ne fut frappé que du mouvement à la surface et n'aperçut pas l'idée immobile reposant au fond de ces troubles. Une révolution était accomplie, un changement opéré dans l'espèce humaine. Cependant, l'éducation d'enfance du grand ennemi de la croix avait été toute chrétienne. Il avait disputé de dévotion à Marcellum avec son frère Gallus. Il paraît même qu'après avoir été lecteur dans l'église de Nicomédie, il s'était fait tondre pour se faire moine. Intention qu'on a voulu attribuer à l'hypocrisie et qu'il est plus équitable de regarder comme le mouvement d'une âme exaltée. Julien ne pouvait être ni chrétien ni philosophe à demi. La nature ne lui avait laissé que le choix du fanatisme. Quoi qu'il en soit, aussitôt que ce prince fut séparé de Gallus, il s'abandonna à la passion de l'étude que lui avait inspirée Mardonius, son premier maître. Il visita Perga Médésius, dont l'école jetait un grand éclat. Chef du néo-platonisme, dont Plotin était le fondateur, Hédésius, disciple et successeur de Jean Blic, était un vieillard dont l'esprit vigoureux s'élevait vers le ciel à mesure que son corps se penchait vers la terre. Julien voulait en tirer toute la science, mais le vieillard lui dit, « Aimable poursuivant de la sagesse, mon corps est un édifice en ruine prêt à tomber, interrogez mes enfants. » Ses enfants d'Hédésius étaient ses disciples, Maxime, Priscus, Eusèbe et Chrysante. Julien s'adressa d'abord aux deux derniers. Eusèbe ne croyait point à la théurgie et parlait à Julien contre les opérateurs de prodiges. Il lui raconta que Maxime avait fait sourire devant lui, au moyen d'un grain d'encens purifié et d'un hymne chanté à voix basse, la statue de la déesse au temple d'Hécate. Qu'ensuite, les flambeaux s'étaient allumés d'eux-mêmes. Aussitôt, Julien, transporté de curiosité, ne voulut plus écouter les raisonnements d'Eusèbe et s'empressa d'aller chercher Maxime à Éphèse. Maxime, d'un âge approchant de la vieillesse, portait une longue barbe blanche, son éloquence était entraînante, le son de sa voix se mariait si bien avec l'expression de ses regards qu'on ne lui pouvait résister. Pressé par Julien, il fit venir Chrysante, et tous les deux l'instruisirent. Maxime conduisit le jeune prince dans le souterrain d'un temple. Après les évocations, on entendit un grand bruit, et des spectres de feu apparurent. Julien, saisi de frayeur, fit involontairement et par habitude le signe de la croix. Tout s'évanouit. Julien ne se pouvait empêcher d'admirer la puissance du signe des chrétiens. Lorsque le philosophe lui dit d'une voix sévère « Croyez-vous avoir fait peur aux dieux ?» ils se sont retirés parce qu'ils ne veulent pas avoir de relation avec des profanes tels que vous. On ignore le reste de cette initiation, mais on assure que Maxime prédit l'Empire à Julien s'il jurait d'abolir le christianisme et de rétablir l'ancien culte. Au surplus, quels que fussent les nuages dont le néo-platonisme environnait sa doctrine, on sait qu'il admettait des puissances subordonnées avec lesquelles on commerçait par la science de la Kabbale. Comme les philosophes ne pouvaient justifier les folies du polythéisme pris dans le sens absolu, ils composaient un système d'allégories dans lesquelles ils renfermaient les vérités de la physique, de la morale et de la théologie. Ils admettaient un dieu principe dont les attributs devenaient des divinités inférieures. Les astres, la terre, la mer, les royaumes, les villes, les maisons, de même que les vertus et les arts, avaient leur génie. Ceux qui tout à la fois rougissaient et se glorifiaient des anciennes superstitions chargeaient ainsi l'imagination d'inventer pour les justifier un système digne d'elles. Le fond de l'ancienne doctrine platonicienne subsistait. L'intervalle incommensurable qui sépare l'homme de Dieu étant rempli par des êtres plus ou moins sublimes à mesure qu'ils sont plus voisins de Dieu ou de l'homme, notre âme, selon le degré de sa vertu, remonte cette longue chaîne de héros, de génies et de dieux, et va s'abîmer dans le sein du grand être, beauté, vérité, souverain bien, science complète. Plutôt alléché au mystère que rassasié de secrets, Julien alla chercher, jusqu'au fond de la Grèce, un vieux prêtre d'Éleusis qui passait pour ne rien ignorer. Si nous en croyons Eunape, seule autorité pour ce récit, Julien, au moment de rompre avec Constance, appela ce prêtre dans les Gaules et lui fit part du projet qu'il n'avait révélé qu'à Oribas, son médecin, et à Evemer, son bibliothécaire. Julien était versé dans la théurgie et dans les deux divinations. Ses croyances se composaient d'un mélange de néo-platonisme et de quelques souvenirs de sa première éducation chrétienne, le tout enveloppé dans l'hellénisme ou les mythes homériques. Le néo-platonisme joignait à la doctrine de Platon des idées empruntées aux écoles pythagoriciennes, stoïciennes et péripatéticiennes. En vertu de la loi de la métempsycose, Julien pensait avoir hérité de l'âme d'Alexandre, superstition naturelle du courage, du génie et de la gloire. Libanius compare la vérité rentrant dans l'esprit de Julien, purifié du christianisme, à la statue des dieux replacée dans un temple autrefois profané. Selon le même Libanius, des divinités amies éveillaient le disciple impérial en touchant doucement ses mains et ses cheveux. Il distinguait la voix de Jupiter de celle de Minerve et ne se trompait point sur la forme d'Hercule ou d'Apollon. Platonicien par l'esprit, stoïcien par le caractère, cynique par quelques habitudes extérieures, Julien priait et jeûnait en l'honneur d'Isis, de Pan ou d'Hécate, comme les pères du désert, ses contemporains, jeûnaient et priaient aux jours de vigile et d'abstinence. Si à cette époque la philosophie affectait des austérités et prétendait opérer des prodiges, c'est qu'elle avait été conduite à opposer quelque chose aux vertus et aux merveilles des chrétiens. En effet, peu de temps après le règne de Julien, une persécution s'éleva contre les hommes accusés de magie. Cette magie n'était que la réaction et la contrepartie des miracles. Le christianisme avait forcé l'hellénisme à l'imitation pour maintenir sa puissance. La cérémonie du taurobol ou du cryobol, qui se rattachait dans son principe à la plus haute antiquité, était devenue une simple parodie du baptême. Au bord d'une fosse, couverte d'une pierre percée, le sacrificateur égorgeait un taureau ou un bélier. Le sang de la victime coulait au travers des trous sur le prosélyte placé au fond de la fosse, et les taches de ce pécheur se trouvaient effacées au moins pour 20 ans. Les philosophes étaient les solitaires de la religion de Jupiter. Comme les ermites du christianisme, ils s'attribuaient un pouvoir surnaturel. Plotin évoquait, à l'aide d'un Égyptien, son propre démon. Quand il mourut, un dragon sortit de dessous son lit et traversa une muraille. Jamblic s'élevait en l'air et tout son corps paraissait resplendissant. Au son d'une parole, il fit un jour sortir les génies de l'amour, Eros et Antéros, du fond d'un bain. Édésius forçait les dieux à descendre et il en recevait des oracles en vers hexamètres. Vous venez de voir les jongleries de Maxime et Chrysante, Simon le magicien, Apollius de Tyane, avaient eu les mêmes prétentions aux vertus théurgiques. Cels avait opposé aux miracles de Jésus-Christ les prestiges d'Esculape, d'Apollon, d'Ariste et d'Abaris. Les philosophes affectaient un tel air de ressemblance avec les ascètes que Julien, dans un moment d'humeur contre les cyniques, les compare aux moines galiléens. Vous allez bientôt voir ce prince essayant de régler la police des temples d'après la discipline des églises. Enfin, les idolâtres réformés avaient placé une trinité à la tête de leur dieu. Vaincus de toutes parts, le paganisme était, pour ainsi dire, obligé de se faire chrétien. Toutefois, dans cette transfusion du sang social, dans l'accomplissement de la plus grande révolution de l'intelligence, on doit aussi remarquer, afin d'être juste et sincère, ce que le christianisme pouvait avoir admis de la philosophie et du paganisme. Le christianisme a-t-il reçu de la philosophie les dogmes de la Trinité, du Logos ou du Verbe? J'ai déjà eu l'occasion de traiter ailleurs cette matière. J'ai fait observer que la Trinité, note, génie du christianisme, page 13, fin de note, que la Trinité pouvait avoir été connue des Égyptiens, comme le prouvait l'inscription grecque du grand obélisque du Cirque Majeur à Rome. J'ai cité un oracle de Sérapis, rapporté par Héraclide de Pont et Porphyre, lequel oracle exprime nettement le dogme de la Trinité. Les mages avaient une espèce de Trinité dans leur maîtrise, Oromasis et Arimanis ou Mitra, Oromas et Ariman. Platon semble indiquer la Trinité dans le Timé, l'Épinomis, et dans une lettre à Denis le Jeune, il énonce le Verbe de la manière la plus claire. Selon lui, le Verbe très divin a arrangé l'univers et l'a rendu visible. Platon avait emprunté le dogme de la Trinité de Timée de Locre, qui le tenait de l'école italique. Les pythagoriciens avouaient l'excellence du ternaire. Le 3 n'est point engendré et engendre toutes les autres fractions, d'où il prenait dans l'école pythagoricienne la qualification de nombre sans mère. Les stoïciens professaient la même théologie, ainsi que le témoigne Tertullien, qui cite Zénon et Cléante. Aux Indes et au Tibet proprement dit, les livres sacrés mentionnent le Verbe et la Trinité. Enfin, les missionnaires anglais croient avoir retrouvé la Trinité jusque dans la religion des sauvages d'Otaïti. Les principaux pères de l'Église, presque tous sortis de l'école platonicienne, ont avoué que leur ancien maître s'était quelquefois approché de la pure doctrine. C'est ce qu'on voit dans Origène, dans Tertullien, dans saint Justin, saint Athanase et saint Augustin. Ce dernier raconte qu'ayant lu les traités des platoniciens, il y découvrit les vérités de la foi relatives au Verbe de Dieu telles qu'elles sont énoncées dans le premier chapitre de l'Évangile de saint Jean. Il fait observer que plusieurs platoniciens, ayant entendu parler du christianisme, convinrent que le Messie était l'homme-Dieu, en qui la vérité permanente, l'immuable sagesse, s'était incarnée. Platon avait déclaré que si le juste venait sur la terre, il serait méconnu et crucifié. Une tradition confuse des incarnations du dieu indien s'était répandue à travers la Perse jusqu'au fond de l'Occident. Constantin, dans la harangue que j'ai rappelée, signale Platon comme le premier philosophe qui attira les hommes à la contemplation des choses divines. Qu'un homme du génie de Platon ait approché de la vérité révélée par la force de sa pénétration, rien de plus naturel. Les vérités de l'intelligence, comme toutes les autres vérités, nous sont plus ou moins accessibles selon le plus ou moins de supériorité de notre esprit. Mais la philosophie de Platon est mêlée de tant d'obscurité, de contradictions et d'erreurs qu'il est difficile d'en tirer le système des chrétiens. Ensuite, Aristobule, Joseph, saint Justin, Origène, Eusèbe de Césarée ont avancé et prouvé que Platon avait eu connaissance des livres hébreux, qu'il y avait puisé cette partie de sa philosophie si peu ressemblante à ce qui lui appartient en propre, ou plutôt à Pythagore, les exemplaires des idées et de l'harmonie des sphères. Mais aucune induction raisonnable ne peut être tirée des doctrines qui ont eu cours après l'avènement du Christ. Le néo-platonisme, au lieu d'avoir donné aux chrétiens la Trinité, la lui aurait plutôt dérobée. Plotin et Porphyre ont rajusté leur système confus de triade sur le système positif et clair de la nouvelle religion. Alors parut le dogme trinitaire païen plus nettement énoncé, les trois dieux, les trois entendements, les trois rois réunis dans l'unité démiurgique. Les philosophes avaient une grande admiration pour ces premières paroles de l'Évangile selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il disait qu'il fallait les écrire en lettres d'or au frontispice des temples. Saint Basile assure qu'ils étaient allés jusqu'à s'emparer de ces paroles et à les insérer comme leur appartenant dans les ouvrages. Amelius, disciple de Plotin, est atteint et convaincu par Eusèbe de Césarée, Théodoret et saint Cyrille d'Alexandrie d'être un plagiaire de l'Évangile de saint Jean, de cet apôtre qu'Amelius appelle dédaigneusement un barbare. Théodoret compare les néo-platoniciens, imitateurs des fidèles, et en particulier Porphyre, à des singes et à la corneille d'Ésope. Je ne puis que vous indiquer dans ces études des sujets qui demanderaient un développement considérable. Il conviendrait d'examiner si avant le christianisme révélé, il n'y a pas eu un christianisme obscur, universel, répandu dans toutes les religions et dans tous les systèmes philosophiques de la terre, si l'on ne retrouve pas partout une idée confuse de la Trinité, du Verbe, de l'incarnation, de la rédemption, de la chute primitive de l'homme, si le christianisme ne fit pas sortir du fond du sanctuaire les doctrines mystérieuses qui ne se transmettaient que par l'initiation, si, portant en lui sa propre lumière, il n'a pas recueilli toutes les lumières qui pouvaient s'unir à son essence, s'il n'a pas été une sorte d'éclectisme supérieur, un choix exquis des plus pures vérités. Il y a longtemps qu'on s'est enquis du degré d'influence que la philosophie a pu exercer sur la doctrine des pères de l'Église. D'un côté, on a soutenu qu'ils avaient transformé le christianisme moral des apôtres dans le christianisme métaphysique du Concile de Nicée. De l'autre, on a combattu cette assertion. Ceux qui voulaient défendre les pères accusés de platonisme auraient pu faire valoir l'autorité même de Julien, qui prétend prouver la fausseté du système des chrétiens en lui opposant celui du chef de l'Académie. Dans un passage d'une grande beauté de style et d'une grande élévation de pensée, il compare la création racontée par Moïse à la création telle que l'a supposée Platon. Le Dieu de Moïse, dit-il, n'a créé, ou plutôt n'a arrangé, que la nature matérielle, le monde des corps. Il n'avait aucune puissance pour engendrer la nature spirituelle, le monde animé. Tandis que le Dieu de Platon enfante d'abord des êtres intelligents, les puissances, les anges, les génies, lesquels créent ensuite par délégation du Dieu suprême les formes ou la nature visible qui les représente, les cieux, le soleil et les sphères, qui sont les vêtements ou les images des puissances, des anges et des génies. Le principe essentiel de l'âme est un des mystères sur lesquels on s'est fixé le plus tard. Les pères hésitent et présentent différentes opinions. Dans les 9e, 10e et 11e siècles, le champ des discussions était encore resté ouvert sur ce point aux écrivains ecclésiastiques. Tout ceci ne fait rien à la question fondamentale. Fut-il possible de prouver que les doctrines du christianisme ont été plus ou moins connues antérieurement à son ère? Il n'aurait rien à perdre à cette preuve. Je vous l'ai dit, des esprits puissants ont pu atteindre à des vérités mères avant que ces vérités eussent été acquises au genre humain par une révélation directe. Loin de détruire la foi, ce serait un nouvel et merveilleux argument en sa faveur, car alors il serait démontré qu'elle est conforme à la religion naturelle des plus hautes intelligences. Telles sont les relations qui existaient entre la philosophie et le christianisme. Quant au paganisme, le christianisme a pris quelques formules applicables à toute religion, quelques rites, quelques prières, quelques pompes, qui n'avaient besoin que de changer d'objet pour être véritablement saintes. L'encens, les fleurs, les vases d'or et d'argent, les lampes, les couronnes, les luminaires, le lin, la soie, les chants, les processions, les époques de certaines fêtes, passèrent des autels vaincus à l'autel triomphant. Le paganisme essaya d'emprunter au christianisme ses dogmes et sa morale. Le christianisme enleva au paganisme ses ornements. Le premier était incapable de garder ce qu'il dérobait, le second sanctifiait ce qu'il avait ravi. Fin de la section 31.